Chapitre 16e. Après avoir, par dévouement filial, délivré Argoulian et Piébald, Sonia, désormais indifférente à tout et se méprisant elle-même, avait décidé d'attendre le retour de M. Xavier. Elle était prête à payer pour sa trahison. Si l'inconnu voulait la tuer, elle était bien résolue à ne pas se défendre. La vie lui était à charge. La mort serait pour elle une délivrance. Moins d'un quart d'heure après le départ précipité de Piébald et d'Argoulian, Antonia était revenue. Elle avait préparé le dîner et la table mise, était allée prévenir la jeune fille en frappant discrètement à la porte de sa chambre. Sonia, ayant compris, au calme de la négresse, que la fuite des prisonniers n'était pas encore découverte, avait essayé de manger pour ne pas laisser voir son trouble. Elle voulait laisser aux fugitifs le plus longtemps possible pour se mettre en sûreté. Ayant à contre-cœur avalé quelques bouchées, elle avait aussitôt regagné sa chambre. Affalée dans un fauteuil, dans l'obscurité, car elle n'avait pas voulu allumer les lampes, elle était plongée dans un demi-sommeil traversé de cauchemars hideux lorsque la porte de sa chambre s'était ouverte. Un commutateur avait été tourné. Le lustre du plafond s'était allumé, éclairant Antonia, plus semblable à une furie qu'à une femme. Sonia, comprenant tout, s'était dressée, juste au moment où la négresse arrivait sur elle, l'œil en feu, les traits contractés par la fureur. Antonia avait saisi la jeune fille par le bras. Sonia, exsangue, le poignet broyé par les doigts osseux de la servante, s'était laissée entraîner. Antonia l'avait fait descendre dans la cave, lui avait montré les portes béantes des celliers et, avec un regard infernal mépris, avait craché sur le sol à ses pieds. Puis, lâchant la jeune fille, elle était remontée sans même tourner la tête. Sonia, hagarde, s'était écroulée sur la terre humide. Combien de temps s'était-il écoulé lorsqu'elle revint à elle, étendue dans son lit? Ses yeux, en s'ouvrant, virent Antonia qui, debout à son chevet, semblait attendre son réveil. Monsieur Xavier, demanda la jeune fille d'une voix si faible qu'elle en était à peine perceptible. La négresse fit non de la tête pour signifier que son maître n'était pas revenu. Sonia referma les yeux. C'était grand jour. Un gai soleil entrait par les fenêtres, mais Sonia avait le goût de la mort dans la bouche. Elle se laissa soigner pourtant. La négresse se montra d'un dévouement admirable, devinant les moindres désirs de la malade, la veillant sans répit, au point que Sonia en arriva presque à se demander si l'horrible scène de la cave n'était pas un cauchemar. Un soir, alors qu'étendue dans un fauteuil, elle s'était endormie d'un sommeil fiévreux et agité, elle se réveilla en sursaut en entendant marcher dans la chambre. Ouvrant les yeux, elle distingua, faiblement éclairée par la veilleuse électrique posée sur un guéridon, un homme qui, à pas lents, se dirigeait vers elle. Monsieur Xavier. Il était revêtu d'un costume de flanelle bleue, cravate de même couleur, chemise molle, et gravement, un peu triste, la regardait. Elle se dressa d'un jet et le fixa avec des yeux dilatés par la surprise et la terreur. « Monsieur Xavier, gémit-elle en étendant les mains en avant comme pour repousser une vision affreuse. « Je vous fais peur, mademoiselle, murmura-t-il d'une voix douce. Vous n'avez rien à craindre de moi. Monsieur, je ne... C'est à moi de vous demander pardon d'être ainsi entré chez vous. J'avais frappé. » Ne recevant pas de réponse, j'ai envoyé Antonia qui m'a expliqué que vous reposiez dans ce fauteuil, et je me suis permis d'entrer pour m'enquérir de votre état. Je suis aussi médecin, et je me suis demandé si cette pauvre Antonia, malgré toute sa bonne volonté et tout son zèle, vous a soigné aussi bien qu'il l'aurait fallu. Voulez-vous me donner votre poignet? Vous semblez un peu fiévreuse. Sonia eut une hésitation, presque un haut-le-corps, mais se dominant, éleva la main vers son hôte. Il lui prit le poignet entre ses doigts. Oui, c'est cela, murmura-t-il, un peu de fièvre, mais ce ne sera rien. Du repos, du calme, et bientôt vous pourrez sortir. Sonia regarda M. Xavier. Il parlait tranquillement et son visage n'exprimait qu'un affectueux intérêt. La jeune fille, ne sachant que penser, se demanda si Antonia avait parlé, si M. Xavier savait qu'elle avait fait évader les prisonniers. Il dut deviner sa pensée car il sourit. Je sais que votre père est parti, mademoiselle, avec son ami. Cela n'a aucune importance. Cette dernière phrase dépita un peu la malade. Elle se raidit et, faisant l'effort sur elle-même, articula. Je vous prie de me pardonner, monsieur. si j'ai trahi ma parole. J'ai cru mon père en danger s'il restait ici et j'ai... Je sais. Il est bien difficile parfois de savoir où est le devoir, mademoiselle. En l'occurrence, vous avez fait passer avant tout votre père. Personne ne pourrait vous en blâmer. Votre père et M. Piébald sont en excellente santé. Ils viennent de revenir après un voyage assez mouvementé. Pour vous, mademoiselle, vous êtes libre. Je vous demanderai seulement de rester ici un jour ou deux de plus. Vous êtes encore faible et la police vous recherche. Je me permettrai de vous remettre des papiers pour que vous puissiez circuler sans danger. Et si vous voulez bien m'y autoriser, je vous emmènerai à l'endroit que vous me désignerez. Monsieur Xavier s'inclina et se tut. Je vous remercie, monsieur, murmura Sonia, les yeux blessés. Elle était perplexe, honteuse. Elle ne savait plus que répondre, que dire. Elle eût voulu remercier encore l'homme qui l'avait sauvée, l'homme qu'elle avait trahi et qui n'avait pour elle que des prévenances. Mais tout au fond d'elle-même, elle se sentait quelque peu dépitée. Elle eût presque préféré des reproches à ce pardon qu'elle jugeait dédaigneux. Je reviendrai demain matin prendre de vos nouvelles, mademoiselle, conclut monsieur Xavier. Pour l'instant, le mieux que vous puissiez faire, c'est dormir. Il s'inclina encore et marcha vers la porte. Un cri de la jeune fille l'arrêta. Vous me méprisez bien, monsieur, n'est-ce pas? Moi? S'exclama-t-il en se retournant. Oh non! Je vous sais malheureuse, et je donnerai en vérité ce que j'ai de plus précieux pour alléger vos souffrances, mademoiselle. À quoi bon? Dit-elle d'un ton découragé. Je n'ai plus rien à attendre ici-bas. Mon père, je le sais bien, est perdu, perdu par ce misérable qui s'appelle Piébald et qui va l'entraîner dans la ruine et dans la honte. Et je sais que je ne peux rien, rien. Après ce que j'ai fait, je me méprise moi-même. Je me sens assez forte. Demain, je partirai d'ici et j'irai me livrer à la police. Peu m'importe ce que l'on fera de moi. Je vous demanderai seulement de me pardonner et de vous dire que vous ne me méprisiez pas tout à fait. Et Sonia sanglota, le visage dans ses mains. Monsieur Xavier s'était rapproché du fauteuil où était assise la jeune fille. « Je n'ai pas à vous pardonner, mademoiselle, dit-il avec force. Vous avez toute mon estime, toute mon admiration. Et je vous jure que je voudrais ardemment avoir un caractère aussi noble que le vôtre. Vous ne me devez rien, rien. Lorsque je vous ai enlevé de la prison, c'était dans un but intéressé. Je voulais obtenir de vous certains renseignements utiles au but que je poursuis. » Je vous ai vu, je vous ai parlé. Je vous ai comprise, et j'ai eu honte de moi-même. Pour me punir, je vous ai laissé ici en vous procurant les moyens de délivrer votre père et votre... et ce Piébald. Je savais que vous le feriez. Je savais que les prisonniers communiqueraient avec vous par les soupiraux du jardin d'hiver. C'était vous offrir la seule joie digne d'une âme comme la vôtre, faire le bien. J'aurais été déçu que vous n'agissiez pas ainsi. Je voulais ces misérables perles. Pour les avoir, je suis allé à Marseille. Je suis monté à bord de l'Australian. J'ai assisté caché derrière le fumoir à une conversation entre Piébald et ce Teddy, qui est encore plus canaille que lui. Teddy a feint d'être marié à Julia Jacobsen, dont le grand-père était propriétaire des perles fines à l'île Maiden. Pour ne pas perdre de vue Teddy, j'ai pris en même temps que lui le Calais Méditerranée, dont Piébald a fait sauter le fourgon dans l'accro. Je ne sais comment, mais cela ne doit pas être difficile à savoir. Un ami de Piébald a drogué Teddy et Julia Jacobsen dans le wagon-restaurant. Je l'ai vu opérer. Du travail bien fait. J'abrège. Dans l'accro, le train a dû s'arrêter. Le fourgon était en feu. Piébald et son ami ont fait sortir de leur wagon Teddy et Julia Jacobsen qui étaient inconscients et les ont fait monter dans une rapide automobile conduite par votre père. J'étais aussi furieux que dépité. Ce que je filais allait-il m'échapper? Fort heureusement, un avion est venu tout près du train. Il avait à bord Korff, le policier que vous avez vu à Enghien, Joey Blanquette, un autre policier anglais, celui-là, et un aviateur. Tous trois ont couru vers l'auto. J'en ai profité pour grimper dans l'avion, remettre les moteurs en marche et m'envoler. Grâce à cet avion, j'ai pu suivre l'auto qui avait échappé au policier. Elle était grise. Elle s'est arrêtée dans un petit bois de pins et en est ressorti rouge, l'enfance de l'art. Je l'ai suivi jusqu'à Cavaillon, où j'ai abandonné l'avion. J'ai acheté une motocyclette, et ai continué ma filature. Mes voyageurs ne paraissaient plus très pressés. J'appris, en faisant de petites visites aux hôtels où ils descendaient, que Teddy et Julia Jacobsen passaient pour fous. Enfin, derrière l'auto rouge, je suis arrivé à Nogent-sur-Marne, devant la maison du docteur Meraki, un médecin de cour d'assises. Je me suis même introduit chez lui. Et je peux vous dire, mademoiselle, que le docteur Meraki et Piebald sont en train de préparer la mort de Julia Jacobsen et de Teddy. Ils veulent les perles, mais ils ne les auront pas. Je n'ai plus qu'à ouvrir la main pour les prendre. Je vous ai dit tout cela sans savoir pourquoi. Je suis peut-être, moi aussi, un peu désemparée. Il faudrait que votre père disparaisse, mademoiselle, que Piebald ne sache plus ce qu'il est devenu. Sinon, tout est à craindre. Tout, le pire. Si vous en aviez la force, il faudrait que vous voyiez votre père. Je vais vous donner pour lui un passeport, des papiers, de l'argent. Qu'il fuit, il le faut. Monsieur Xavier appuya sur ces derniers mots. La jeune fille s'était redressée, livide. Elle devinait ce que son interlocuteur ne disait pas. Je n'oublierai jamais, jamais, votre bonté, monsieur, bégaya-t-elle d'une voix rauque. Mon mérite n'est pas où vous le croyez, mademoiselle. Il est. Mais à quoi bon? Je ne vous reverrai jamais, et je ne serai trop récompensée de savoir que, peut-être, vous penserez quelquefois à moi. Elle se raidit. Je vous laisse, mademoiselle, il est à peine 8h30 du soir. Je vais vous envoyer Antonia qui vous aidera à vous habiller. Oui, le mieux. Il vaut mieux que vous alliez là-bas le plus vite possible. Le temps presse. Je conduirai moi-même l'auto qui va vous emmener à Nogent. Vous trouverez un petit coffret dans la voiture, des papiers pour vous et votre père, un peu d'argent pour pouvoir attendre. Adieu, mademoiselle. Elle lui tendit la main, il la porta à ses lèvres, et sans se retourner, se dirigea vers la porte et sortit.